température. SEM Radio 89.7. Stop. chercher une fréquence. 89.7, SEM Radio. La Cousse en Coffa, investir en nous-mêmes, s'investir pour les nôtres. La Cousse en Coffa, œuvre à la valorisation des produits littéraires, artisanaux, agro-transformés de la Caraïbe et de l'Afrique. La Cousse en Coffa, c'est Wary Boutique à Saint-Joseph et en ligne. Jaden Lacou, un complexe agroalimentaire à Rivière-Pilote. Glorier Asier Matnik à Fort-de-France. La Cousse en Coffa, c'est aussi Aquaba Diaspora Tour, un circuit afro-touristique vers le continent mer. Rejoignez-nous afin de conquérir ensemble toute l'initiative de notre propre destin. La Cousse en Coffa, investir en nous-mêmes, s'investir pour les nôtres. Contact 0696 66 12 74 0596 70 63 30. Vol Vacances Compas, le méga rendez-vous des vacances est de retour. Vol Vacances Compas, les vacances en mode 100% compas, c'est parti avec El Numero Uno, l'exceptionnel Ricardo, le président du compas. Dès 19h, nouvelle ambiance, nouvelle playlist, Zopke dansé deux fois plus. Ricardo, le président du compas, toujours seul maître des platines. Nouveauté, exclusivité, souvenir et puis live compas. C'est seulement président qui peut baser ton soirée comme ça pendant vacances là. Mesdames, c'est gratuit pour vous de 19h à 21h. Et à partir de 21h, c'est 10€ plus un plat chaud. Messieurs, pour vous, c'est 20€ plus une conso ou un plat chaud. Vol Vacances Compas, attachez vos ceintures, ça va secouer très fort. Attention, chaque dimanche, de nombreux lots à gagner. Et puis, gardez tickets autres. Oui, conservez vos tickets pour le tirage final lors de la soirée de clôture de Vol Vacances Compas. Vous serez gâtés avec une méga surprise. Vol Vacances Compas avec Siligom, Boucherie T2 Saint François et Madilina Resto. Si vous voulez connaître belle soirée compas, venez à dans Vol Vacances Compas, vacances Tala. SEM Radio. À la maison, en voiture, au bureau, partout, on vous accompagne. Merci de nous écouter.